Epita Sandeshimie de l'autre côté de la cabine technique. Nous sommes lundi 6 avril. Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Grogne de certains des passagers dans les bus de transport en commun. Ils sont déposés à mi-chemin lorsqu'ils viennent en ville. L'association des transporteurs du Burundi à Traboulon reconnaît cette irrégularité. Une situation qui va être suivie de près. Le dépotoir public de Buterere est toujours fonctionnel, bien qu'il ait été suspendu par la mairie de Bujumbura. La mairie dit aujourd'hui attendre que le dépotoir de Muzinda, en commune en province Bubanza, soit aménagé. Vous l'entendrez dans cette édition. Et 83% sur une trentaine de microfinances opèrent uniquement en mairie de Bujumbura. Les autorités sont appelées à sensibiliser d'autres pour que l'inclusion financière soit accrue. Vous aurez également l'actualité sportive où la formation Burundi Sport Dynamique vient toujours en tête dans le classement provisoire du championnat national de football de la deuxième division. Bienvenue pour les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Oh bonjour, page sécurité pour débuter cette édition. Trois personnes ont été arrêtées par la police au cours de cette nuit sur la colline Burburika dans la commune Musigati de la province Bubanza. Selon des témoins sur place, elles sont accusées de vouloir voler une moto après avoir grièvement blessé le moteur à la machette. La population de la localité a vite intervenu et trois auteurs ont été appréhendés. Ce lundi matin, deux autres personnes ont été arrêtées et conduites au cachot selon des sources administratives et policières. Et restons en province Bubanza pour parler cette fois-ci éducation. Les élèves qui ont échoué au concours national édition 2017-2018 dans cette province ne répondent pas massivement à l'appel lancé par le ministère de l'Éducation de pouvoir repasser encore une fois cet examen au cours de cette année. Au moment où le ministère leur recommande de se faire inscrire sur les établissements qu'ils fréquentaient, les directeurs des écoles disent que ces élèves arrivent à compte-gouttes et les délais d'inscription risquent d'expirer avec cette semaine selon les mêmes responsables scolaires. Les précisions de Spes Caritas Cabagnana. Il y a à peu près 3 semaines que des communiqués appelant ses élèves à se faire inscrire sur les établissements qu'ils fréquentaient ont été lancés un peu partout dans des lieux publics, mais les directeurs des écoles indiquent que ces élèves qui ont échoué au concours national édition 2017 et 2018 et qui ont la chance de repasser cet examen cette année arrivent à compte-gouttes. Dans la direction communale de Rugazi, par exemple, 15 élèves seulement qui ont échoué l'année passée se sont déjà fait inscrire dans toutes les écoles selon le directeur communal de l'enseignement. Et personne n'est encore arrivé pour ceux qui ont échoué en 2017 selon le même responsable scolaire. À la direction communale de Bubanza, 50 élèves qui ont échoué l'année passée sont déjà enregistrés sur 108 attendus. Pour ceux de 2017, personne n'est encore enregistré selon Kayobira Vincent, directeur communal de l'enseignement. Les responsables scolaires continuent à demander à ces élèves de se faire inscrire sur les écoles qu'ils fréquentaient, comme le recommande le ministère de l'Éducation, étant donné même que les délais d'inscription risquent d'expirer au cours de cette semaine si rien ne change. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana. Après une courte pause, on parle agriculture en province Rumonge. Isanganiro, la radio. Avant d'entamer cette page agriculture, c'est plutôt en province Bururi. Parlons d'abord économie. 83% des 37 microfinances agréées au Burundi opèrent uniquement à mairie de Bujumbura. C'est un constat fait ce lundi au cours d'un atelier organisé par le réseau des microfinances RIM à l'endroit des gouvernants des provinces. L'objet étant de sensibiliser ces autorités locales pour l'amélioration du niveau de l'inclusion financière au Burundi. Parlons cette fois-ci hygiène. Les déchets ménagers continuent à être déversés au dépotoir public de Buterere, même si ce dernier a été déclaré sursaturé. La route passant par ce dépotoir n'est pas praticable. Les habitants de cette localité demandent qu'ils soient transférés ailleurs afin de préserver leur santé. Et sur ce, le maire de la ville de Bujumbura explique que le dépotoir de Mubone n'avait pas été fermé mais suspendu temporairement pour que les machines dégagent les déchets qui avaient bloqué l'accès. Freddy Mbonima affirme que pour le moment, ce dépotoir reste ouvert en attendant que la mairie aménage le nouveau dépotoir qui sera installé dans la commune de Muzinda en province Bubanza. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Parlons au transport. Je vous l'avais annoncé il y a quelques instants. Certains des bus de transport en commun à mairie de Bujumbura n'ont plus de vitres sur certaines fenêtres. D'autres ont des sièges délabrés. Des passagers indiquent que certains de leurs habits sont déchirés par ces sièges en mauvais état. Et de plus, ils sont mouillés quand la pluie tombe. Ces passagers demandent que des bus en mauvais état soient remplacés par d'autres en bon état. Les précisions de Vestine Boutoy. Nous sommes dans le parking de bus de transport en ville de Bujumbura, exactement dans le parking des bus menant vers Kanyosha, Musaga et dans les autres endroits de la commune Moura. Certains de ces bus de marque Yas ou Quaster qui sont là ont des clignotants démolis, des portes qui ne se ferment plus, des fenêtres sans vitres. En jetant un coup d'œil dedans, derrière le siège d'un chauffeur, des pièces de cette voiture qui étaient jadis cachées sont actuellement visibles, ainsi que les clous se trouvant dans le siège des clients. Des couvertures de ces sièges sont devenus des lambeaux. La même situation se présente dans le parking de bus menant vers Kamenge, Kinama et dans les autres localités de la commune Hahangwa. Un des passagers utilisant les bus pour se déplacer dit que certains de ceux-ci sont en mauvais état et c'est pour cette raison que leur siège cause des déchirures de leurs vêtements. L'autre indique que quand il y pleut, les passagers sont mouillés à cause du manque des vitres. Alors, pour que ces bus puissent démarrer, on doit les pousser. Même s'il y a des passagers qui se lamentent qu'il y a des bus de transport qui devraient être au garage, il y en a d'autres qui les réclament, arguant qu'ils passent un long moment à attendre un bus. Ces passagers demandent aux autorités habilitées de faire sortir du parking tous les bus en mauvais état pour les remplacer avec ceux qui sont en bon état afin de leur faciliter la circulation. Parlons encore une fois transport. Certains passagers des bus Gassenye Mutanga se lamentent que les chauffeurs de ces véhicules et leurs convoyeurs les déposent à mi-chemin au lieu de les déposer au parking habituel au centre-ville. Ces passagers disent qu'ils sont considérés quand ils rentrent, mais au moment de sortir de ces bus, ils sont malmenés. Les précisions de Renaud Niyongheza. Ces passagers qui viennent des quartiers du Nord, comme Mutanga et Gassenye, ne sont pas satisfaits du fait qu'ils prennent les bus en sachant que ces derniers vont les déposer au parking du centre-ville, mais ce n'est pas ce qui s'observe pour la plupart de ces bus. Parce que au lieu d'arriver au parking, les bus les déposent à l'endroit communément appelé Kwabinagana, près de la société d'assurance Sokabu. Un des passagers témoigne qu'à l'arrivée du bus, le convoyeur se précipite pour les faire sortir. Un autre passager dit qu'ils ne savent plus quoi faire parce que chaque chauffeur dépose ses clients là où il veut. Certains passagers disent que maintenant ils s'y sont habitués, étant donné que tout le monde considère ça comme une chose simple. Même un passager qui demande à ce qu'on le dépose au parking en ville, il est incompris. Un des chauffeurs nous témoigne que ceux qui font cela sont ceux qui ne veulent pas faire la queue au parking. Les passagers des quartiers Gassenye et Mutanga demandent aux autorités concernées qu'ils fassent respecter les arrêts bus. Renaud Niyongheza et l'association des transporteurs du Burundi Atrabou en sigle, l'on reconnaît qu'il existe des puces de transport qui n'arrivent pas à leur destination. Charles Nhirameva, secrétaire général de cette association, demande aux clients débarqués à mi-chemin de le soumettre à cette association pour que des mesures soient prises et promet que les services de l'Atrabou seront déployés sur terrain pour éradiquer cette situation. Je vous prie de le suivre au micro d'Elinibel Nibigira. C'est vrai qu'il y a quelques jours que les passagers qui viennent du nord de la capitale de Bujumbura, plus précisément sur les parkings et les quartiers Milango, Rompuy, Gassenye, Mutangano, seulement comme quoi ils sont débarqués à mi-chemin et surtout sur l'endroit qu'on appelle chez Dimitri. Et alors nous sommes au courant et nous avons même lancé un appel vibra à ces chauffeurs égarés à l'air disant qu'ils doivent respecter la loi de la circulation routière parce que à part qu'ils sont contre la déontologie de l'association, ils sont en train aussi de violer la loi du pays parce que ces pratiques sont sanctionnées par la loi de la circulation routière. Donc, ils doivent se ressaisir pour respecter la loi à défaut d'être sanctionnés par une amende comme c'est prévu dans le code de circulation routière. Nous travaillons en synergie et même sur les différents parkings et les gens du comité mixte de sécurité et chef de parking. Nous avons donné des instructions à ces gens-là pour qu'ils puissent effectivement respecter les passagers. Sinon, ce n'est pas quelque chose qui est généralisé, mais il y a des cas égarés de certains chauffeurs qui ne veulent pas respecter la loi. Moi, j'imagine qu'on va essayer de travailler sur ça et afin, effectivement, de satisfaire les passagers. Quelle est la mesure urgente que vous allez prendre? Bon, la mesure urgente qui sera prise, c'est de mobiliser les comités mixtes de sécurité dans les parkings concernés, surtout les chefs de parking, afin qu'ils puissent faire des descentes dans ces endroits-là, afin, effectivement, qu'ils puissent nous donner les listes de ces véhicules qui n'arrivent pas à la destination finale. Et de retour, on va les présenter aux instances de sécurité routière. Il faut qu'ils puissent être sanctionnés dans le but de trouver la satisfaction des passagers. Charles Nhirameba, c'est le secrétaire général de l'association des transporteurs du Burundi, Atrabou. Revenons sur cet élément d'hygiène. Les déchets ménagers continuent à être déversés au dépotoir public de Buterere. Même si ce dernier a été déclaré sursaturé, la route passant par ce dépotoir n'est plus praticable. Les habitants de cette localité demandent qu'ils soient transférés ailleurs afin de préserver leur santé. Un reportage de Fabrice Bimenyiman. Arrivé à ce dépotoir en provenance de la zone Buterere, c'est quasiment impossible car la route est impassable. Ce dépotoir est plein d'immondices même si les gens continuent à y jeter des déchets ménagers. On y voit des camions qui viennent décharger ces déchets. Ces gens indiquent que les camions qui jettent ces déchets passent par l'autre côté. Des hommes, des femmes, des enfants y ramassent des restes de nourriture et d'autres objets. Un habitant de cette localité indique que cet espace est dépassé. Il ajoute que leur santé est menacée et demande aux autorités concernées de transférer ce dépotoir ailleurs. Certaines gens rencontrés sur ce lieu ajoutent que des fois des machines viennent dégager le lieu. Cela fait déjà 2 semaines que le maire de la ville de Bujumbura a déclaré que ce dépotoir n'est plus fonctionnel. Cette autorité municipale dit avoir déjà adressé une correspondance au ministère ayant l'environnement dans ses attributions pour lui demander un nouvel espace pour le dépotoir. Et justement, sur ce, le maire de la ville de Bujumbura explique que le dépotoir à Domubone n'avait pas été fermé mais suspendu. temporairement pour que les machines dégagent les déchets qui avaient bloqué l'accès. Freddy Monima affirme que pour le moment, ce dépotoir reste ouvert en attendant que la mairie aménage le nouveau dépotoir qui sera installé dans la commune de Muzinda en province Bubanza. À 13h10 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par la page Agriculture en province Bururi. Certains des agriculteurs de la commune Bururi ne savent pas jusqu'à présent comment ils pourront obtenir l'engrais chimique dont ils ont déjà payé le solde. C'est après le refus de recevoir leur ticket, arguant qu'ils ont été en retard. Consolat Tchimilimana, distributeur d'engrais en commune Bururi, reconnaît les faits, dit qu'il s'agit d'une question qui sera vidée par ses supérieurs. Les précisions de Jean-Pierre Misago. 4-3-2-1-0 papier en français. Ceux qui ne savent pas comment ils vont avoir leur engrais dont ils ont payé le solde sont ceux qui se sont vus récemment refuser leur ticket de paiement, arguant que leur validité a expiré. Ces agriculteurs disent cependant qu'ils n'ont cessé de fréquenter le dépôt d'engrais chimiques au chef-lieu de la province Bururi et que la réponse a été toujours que l'engrais recherché n'est pas disponible. Ils demandent qu'ils soient rétablis dans leurs droits, puisque selon eux, aucun communiqué faisant état de la collecte de ces tickets n'a été radiodiffusé, affiché ou encore moins publié dans les zones de rassemblement. Consolat Chimilimana, chargé de la distribution de l'engrais chimique en commune Bururi, reconnaît que l'engrais chimique a été distribué à compte-gouttes dans cette commune. Pour elle, une période supplémentaire a été accordée pour la collecte de ces tickets de ceux qui n'ont pas été servis et le message a été transmis à l'agronome communal pour qu'il le fasse parvenir aux moniteurs agricoles sur les collines. Pour ceux-là qui disent qu'ils n'en ont pas été mis au courant, Consolat Chimilimana dit que la question sera soumise à la Direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage de Bururi via le fournisseur d'engrais chimiques en province Bururi pour son analyse. Malgré cet état de fait, il existe certains agriculteurs qui disent avoir remis à temps leur ticket de paiement du solde, mais attendent toujours d'être servis. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Clôturons cette édition par cette page sportive. La formation Burundi Sport Dynamique vient toujours en tête dans le classement provisoire du championnat national de football de la deuxième division. C'est après avoir battu ce dimanche Interstar 3-1 au stade Prince-Louis Rwagasore. Et au volleyball, les matchs de la dernière journée ont été joués ce dimanche pour les clubs membres de l'association de volleyball amateur de Bujumbura Avab. Voilà, à 13h12 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Et Pitas Ndeishimiye était de l'autre côté de la cabine technique. Je vous souhaite un excellent après-midi. À tous, au revoir.